4h du mat, ma tête s'évade peu à peu. Plus j'y songe et plus je me dis putain pourquoi tu rappeurs. Parler de moi, parler des autres, je me dis qu'est-ce que ça peut faire. De toute façon mon rap n'est que le reflet de ce que je suis sur cette terre. Ma tête est comme coincée dans un putain d'étau. Rien à foutre que tu te sentes coincé dans ton putain ghetto. À chacun ses souffrances, c'est leur degré de gravité. Moi tous les jours je cherche encore putain sur quel pied danser. À l'image du monde actuel, ma plume se fait capricieuse. Fini les courbes d'un vieux poète parlant de choses merveilleuses. On dit de la vie t'es la plus belle, putain je la trouve prétentieuse. Ce soir mon rap est en détresse, éclair de pensée anxieuse. Parfois j'aimerais m'effacer, je suis pas triste mais lassé. Je parle pas de la mort mais juste d'amour, mais je pourrais enfin me prélasser. Parfois j'aimerais m'effacer, je suis pas triste mais lassé. Ras-le-bol de suivre le chemin de la vie que je vois déjà tout tracé. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne. C'est sûr que la vie est dure, mon rap n'efface pas les dangers. Mais à travers mes mots, les larmes, j'aimerais les éponger. Souvent j'ai songé, dans quelle merde avons-nous plongé? C'est hardcore de plus en plus. Putain c'est pas prêt de changer. Le seul reflet d'un monde qui pleure, c'est la finesse de mes mots. Et le bonheur fait du fitness, voici le sujet de mes démos. Je rappe mes pensées sont claires, mais mon regard est foncé. C'est l'amertume qui m'éclaire, donc j'ai les sourcils froncés. Et oui mon rap c'est l'oxygène qui me manque quand la vie m'étouffe. Et oui ma plume parcours c'est le fait, pour moi c'est un second souffle. Je t'assure ce soir je regarde de loin, mais putain j'y vois trop flou. Et sa fatigue ou la tristesse qui souvent me dégoûte de tout. Je sais que ma plume est une poète, voyant toujours la vie en noir. Optimiste j'aurais voulu être, mais franchement j'ai plus l'espoir. Même si le sourire m'envahit, comme un chinois dans Paris, à l'intérieur tu peux être sûr que l'image est tout sauf jolie. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne. Parler de moi, parler des autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Changer le monde, non je crois pas, mais m'aider peut-être. Je pose ma voix, réfléchis dans mes discours. Réservé, je me révèle quand le disque tourne.